L'idée avait lentement germé dans la tête de Marcel, qui ne se voyait pas faire carrière dans la crasse et la médiocrité. Il serait mécanicien, ou bien il irait voir ailleurs si l'herbe y était plus verte. Un peu de culot, un zeste de chance et pas mal de travail personnel. Plus tard, le jeune Marcel avait été reçu à l'examen de conducteur d'autorail, la seule option proposée à cette époque par la direction. Le manque de conducteurs autorisés aux autorails omnibus se faisant cruellement sentir dans les années 60, une dérogation fut accordée aux novices pour assurer des trains régionaux sans avoir le grade requis. Déjà, c'était une façon pratique et peu chère qui arrangeait tout le monde, mais surtout les patrons. À guère plus de 20 ans, il se retrouva donc en ligne avec une dizaine de jeunes comme lui, fraîchement sortis de l'école de conduite, sous le regard curieux des voyageurs, parfois surpris de voir ces minots qui menaient les Michelines. À cette époque, sur les lignes du Gros-du-Roi, de Montpellier, d'Avignon, de Langogne et du Vigan, tout le monde se connaissait et se saluait volontiers quotidiennement, sans rouspéter comme aujourd'hui. Puis, il avait été autorisé comme chauffeur sur les 141 R, d'énormes et imposantes machines à vapeur alimentées au mazout. Malgré le caractère rétrograde et bien trempé de quelques vieux mécaniciens d'une autre époque qui n'appréciaient guère la jeunesse, il avait connu un plaisir nouveau au travail qui compensait en partie les longues absences loin de la maison. Les parcours avaient changé. C'était souvent Vénissieux par la rive droite ou la traversée du Rhône à la voulte pour prendre des repos sans fin à Portes-les-Valences. C'était le temps des bricoles. Ces trains de détail desservaient 7 à 8 gares pour récupérer des wagons de fruits et légumes dans des conviales où, très souvent, les responsables offraient des cagettes bien garnies aux cheminots. C'était la fin de la vapeur. Les diesels modernes arrivaient et les reconversions y allaient d'un bon train, si l'on peut dire. Marcel y fut affecté à la conduite en premier à la disparition des 141 R.